Vous êtes un peu mou. Désolé, mais... C'est pas pour dire. Eh, les pogoteurs, faut bouger, là. Ouais. Hein ? On n'est pas un groupe... Bon, alors là, il va falloir bouger, parce que celle-là, on l'aime bien. Donc on aime bien que les gens bougent, parce que celle-là, on aime... Bien, je me répète, mais... On s'en fout. 1, 2, 3, 4... Dans les palais du Népomzen, Sonic en a les yeux verts. Mais tu es vilain à cause des hamburgers. Ouais. Dans l'espace des collines, mais je ne sais plus. Ah zut, une pâte de jus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il mange des gaufres toute la journée. Mais aime-t-il le whiskas avec ses yeux de psychopapa? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Le pomicène du plateau de la neuve, c'est le caveau cobalt des cabarets et cabinets. Mais la vie lutte extraterrestre, Laetitia Dante Kinder, elle dit Mickey. Hey!